Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis bonjour. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous cette petite exhortation basée sur le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 13. Comme vous pouvez le constater, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères et sœurs veulent vraiment connaître le Seigneur. Ils ont de l'amour pour le Seigneur. Ils veulent connaître le Seigneur. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, quoi. C'est-à-dire, ils passent d'hommes de Dieu, de frères et sœurs à poser des questions. « Oh frère, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel truc? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quelle est la réponse de Dieu par rapport à ça ?» Et pourtant, les réponses sont bien dans la Bible. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. N'est-ce pas? Si tu veux connaître Dieu, mon frère, ma sœur, c'est dans sa parole. Pas ailleurs, pas de la bouche des hommes, mais c'est dans sa parole. Voici ce que dit notre Seigneur dans le livre de Jérémie, au verset 29, verset 13, au chapitre 29. Dieu dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Verset 14, « Je me laisserai trouver par vous. » Si Dieu voit dans ton cœur que tu veux vraiment le connaître, il se laissera trouver par toi lui-même. C'est Dieu qui décide. C'est lui-même qui se laisse trouver. Ce n'est pas par la théologie. Ce n'est pas par les cours bibliques de je ne sais X et Y. C'est Dieu lui-même, quand il le veut, qui se laisse trouver. Ce n'est pas par la force ni par notre intelligence. C'est par le Saint-Esprit. Dieu, quand il regarde dans ton cœur, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Quand tu regardes dans ton cœur, il est celui-là. Il veut vraiment savoir qui je suis. Je le vois tous les jours lire la parole. Alors, je me laisse trouver. C'est Dieu lui-même qui décide de le faire. Il a dit que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Et quand Dieu voit que jour et nuit, tu obéis à ça, Dieu dit, celui-là veut me connaître. Et il se laisse trouver. Le problème, c'est quoi? Vous voulez connaître Dieu, mais vous passez de personne en personne à poser des questions, alors que les questions ont des réponses dans la Bible. Tout dernièrement, il y a un frère sur ma page Facebook. Il me posait plein de questions. Il veut connaître, oh frère, je veux connaître telle chose. Et moi, je lui donnais des réponses par rapport au passage biblique qui répondait à ces questions. Et je lui ai dit, frère, je ne te connais pas. Mais par rapport à tes questions, je sais tout de suite que j'ai affaire à une personne qui ne lit pas la Bible. Parce que les questions que tu poses là ont des réponses dans la Bible. Lis ta Bible et tu auras des réponses. Et c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas par la bouche des hommes que tu vas connaître Dieu. Dieu lui-même se laisse trouver si vraiment tu le cherches de tout ton cœur. La solution, c'est de méditer la parole de Dieu, c'est de lire la parole jour et nuit. Tu ouvres même une page, deux pages, tu fais la lecture. Dieu lui-même, il verra que celui-là veut me connaître. Il verra ton zèle, ton amour, la détermination. Celui-là veut me connaître. C'est alors que lui-même se laisse trouver. Il se laisse trouver. Ça, c'est très important. Il se laisse trouver. Alors, tu auras la révélation. La révélation. Pas la lettre, mais la révélation. Nicodème avait la lettre, mais il n'avait pas la révélation. C'est pourquoi il ne comprend pas quand Jésus est en face de lui. Ok, bien aimé, je voudrais parler d'un truc. Tout dernièrement, je regardais la vidéo du bien aimé Georges, et dans cette vidéo, il paraissait que certaines personnes n'ont pas bien compris ma vidéo sur oser et la prostituée. Alors, frères, sœurs, les personnes qui ont mal interprété ce que j'ai dit, je vais d'abord lire un passage biblique. Nous sommes tous de la même famille, nous avons un même père. Jésus-Christ a dit, soyez un, comme moi et mon père, on est un. D'accord? On est de la même famille, il n'y a pas de truc sombre ou louche au milieu de nous. On est tous frères et sœurs, et nous avons tous été sauvés par grâce au sang précieux de Jésus. Nous sommes tous ses enfants. Donc, je vais lire dans 2 Pierre, au chapitre 3. Ok, voici ce que dit la parole de Dieu, au verset 15. Croyez que la patience, c'est Pierre qui parle. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, au verset 15, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pierre dit que les personnes mal affermies tordaient le sens des propos de Paul. Paul dit A, eux disent Paul a dit B. Paul dit C, ils disent Paul a dit F. Ils tordaient le sens, les personnes mal affermies. Bien-aimé, je vais vous parler, toi qui as peut-être mal compris ma sœur, toi qui as pensé des choses que je n'ai pas eu à dire. Écoute-moi bien, je vais te parler devant un témoin, celui qui est la vérité et qui connaît toutes choses. Son nom est Jésus-Christ. Donc, ce que je vais te parler, je te le parle, je te le dis devant Jésus, qui connaît, qui sait ce que je voulais dire dans ma vidéo. Ma soeur, toi qui as interprété ça mal, toi qui penses que ça y est, c'est un boulevard, aller chercher les païens, se marier avec, je te dis que tu as fait exactement ce que Pierre dit ici. Les gens qui interprétaient à l'envers les propos de Paul. Pierre dit, il tord le sens. Paul parle des choses, ils ne comprennent pas ces choses. Mais ce qui est intéressant, Pierre dit, ce n'est pas tous les chrétiens qui tordaient, qui interprétaient à l'envers les propos de Paul. Pierre dit, c'était seulement les personnes mal affermies qui faisaient cela. Et comme dans l'église aujourd'hui, il y en a toujours, des gens qui vont interpréter à l'envers. Alors, ma soeur, toi qui as mal compris la vidéo, je t'exhorte d'aller encore écouter la vidéo. En tant que serviteur de Dieu, je reçois, j'ai des visites, des gens qui viennent me voir, des frères, des sœurs, d'autres m'appellent par téléphone. Chez moi, je prie pour les gens tous les jours. Il y a des gens qui viennent ici pour que je prie. Donc, les gens se confient à moi. Et j'ai remarqué que la plupart des sœurs qui ont plus de 25 ans, le sujet de prière capitale, c'est le mariage. Elles veulent se marier. Et quand elles viennent ici, pour qu'on prie pour ça, j'ai remarqué que certaines ont des conditions. Si ce n'est pas ça, elles ne peuvent pas accepter cette personne. C'est-à-dire, j'ai entendu une femme dire ici, frère, je lui ai dit, mais attends ma soeur, tu dis que ça fait des années. Il n'y a personne qui te demande la main. Oui, il y a un bien-aimé là. C'est un garçon sérieux, c'est vrai. Il est fidèle. Il a vraiment de l'amour pour Jésus. Mais ce qui m'embête si je n'accepte pas ce gars, mon frère, j'ai fait des études, j'ai bac plus 5. Lui n'a qu'un niveau de terminale. Mais je connais ma famille, ça ne peut pas passer. Mes parents ne peuvent pas accepter ça. Tout le monde va me dire, mais attends, tu as fait des études pour épouser un gars qui n'a même pas le bac. Il dit, c'est ça qui m'embête. Vous vous rendez compte? Il y a une autre qui m'a dit dans ma voiture, on était à 4, on l'a accompagnée chez elle. Frère, oh, j'espère que tu ne m'as pas oublié. J'espère que tu continues à prier pour moi, pour mon mariage. Je lui ai dit, ma soeur, il n'y a personne. Il me dit, si, il y a un frère là, mais il est gardien d'immeuble. Je fais quoi avec ça? Même s'il est rempli du Saint-Esprit, je fais quoi avec ça? Regarde comment je m'habille. Moi, je coûte cher, moi. On a tous rigolé, mais c'est sa position. Il dit, mais franchement, je touche 1 500 €. Quelqu'un qui a moins de ça, franchement, ne peut pas m'entretenir. Je fais quoi avec ça? J'ai entendu une autre dire, franchement, si la personne n'a pas au moins 1 m 90, moi, je n'aime pas les hommes courts. J'ai entendu une autre dire, moi, il faut que cet homme soit métis. Ça fait 10 ans que je prie. Il faut qu'il soit métis. Et dans ce métis-là, le parent noir ne doit pas être d'Afrique. Donc, je veux genre de métis. Un des parents est blanc, l'autre des parents est antillais. C'est une africaine, hein? Voilà son profil. Donc ma vidéo sur l'affaire d'Osée, je leur ai fait comprendre. Je me suis dit, ça c'est des cas qui viennent se confier à moi. Mais je suis sûr que quelque part dans le monde, il y a d'autres sœurs ou frères qui ont des profils et qui ne peuvent accepter une personne que si la personne répond à leur goût et à leur profil. C'est alors que moi je fais la vidéo, Jésus-Christ qui est la vérité, sait que ce que je vais vous dire là est la vérité. Parce que j'ai fait ma vidéo par rapport à ça. C'est-à-dire, où que tu sois, si tu as demandé à Dieu l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, accepte la personne que Dieu te montre. C'est ça ma vidéo. Rien de plus, c'est juste ça. Et je fais comprendre aux gens que regardez le jeune prophète Osée. Dans ses pensées, dans son profil de femme, il ne pouvait pas s'imaginer une prostituée. Mais comme Dieu lui a dit, c'est pourquoi il a fait. Moi, je ne vois pas comment les chrétiens vont aller chercher les païens. Franchement, je ne vois pas le rapport. Donc, je suis en train de dire aux personnes qui demandent à Dieu le profit de leur vie, ma soeur, toi qui as Bac+5, il a un niveau de terminal. Mais si c'est Dieu, je dis bien si c'est Dieu qui te dit que c'est ton mari, ne le rejette pas parce qu'il a un petit niveau. Toi qui s'appuies, il faut qu'il soit métis. Est-ce que Dieu t'a dit que l'homme de ta vie, c'est un métis? C'est par rapport à ces raisonnements-là que j'ai fait la vidéo. Pour leur faire comprendre que regardez le jeune Osée. Il a fait la volonté de Dieu. Mais si c'était son choix, si c'était à lui de faire le choix, il ne l'aurait jamais fait. Mais il a obéi à Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu, pas pour faire notre volonté. C'est pour faire la volonté du Père. Parce que Dieu, quand il te montre un partenaire, c'est parce qu'il a un plan. Regardez ce qui est arrivé dans la descendance de cette prostituée Osée. Donc lui sait pourquoi il te dit c'est cette personne. Donc il ne faut pas refuser la personne parce que la personne ne répond pas à tes critères. C'est ça ma vidéo, rien de plus. Ma vidéo c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Ne passe pas à côté parce que la personne n'a pas le profil que tu recherches. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi ça ou le boulevard, les gens vont aller prendre les païens. Ma soeur, toi qui as mal compris là, écoute bien ma vidéo. Dans ma vidéo, je dis bien, si c'est Dieu, j'insiste sur ce mot, je dis, si c'est Dieu qui te dit, va écouter ma vidéo, je dis bien, si c'est Dieu qui te dit, je ne vois pas pourquoi ça ou le boulevard. Est-ce que tu vas aller prendre le soulard du bar là? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Est-ce que Osée est allé prendre la prostituée de lui-même? Mais c'est Dieu qui lui a dit. Donc moi je dis, ne refusez pas les profils que Dieu vous montre parce qu'ils ne répondent pas à vos critères. C'est tout, il n'y a rien de plus. C'est ça ma vidéo, il n'y a rien de plus. Je vous prends un exemple biblique. Tous les prophètes ont annoncé que Israël aura un Messie et que ce Messie viendra libérer Israël de ses ennemis. Les Israélites attendaient le Messie libérateur. Je dis bien libérateur. Parce que à la naissance de Jésus, Israël était sous la domination des Romains. Des garçons comme Hérode, Pilate, c'était des gouverneurs romains. Ce n'étaient pas des Hébreux. Donc, ils étaient sous la domination des étrangers, sur leur propre sol. Donc, quand Jésus se présente à ce peuple, comme libérateur, comme Messie, les gens disent, ah non, attends, Messie, regarde, les étrangers sont en train de nous commander chez nous, les Romains. Or, la Bible dit, le libérateur vient nous délivrer de la main de nos ennemis. Toi, tu dis que tu es le Messie, alors que les Romains sont là. Parce que eux, dans leur tête, ils s'attendaient à un libérateur, à un homme révolutionnaire. Quelqu'un qui va dire, ah non, et ici c'est pour Israël, les Romains n'ont qu'à rentrer chez eux, on va prendre les armes. Ils attendaient un libérateur qui va livrer un combat charnel. Mais Jésus ne lutte pas contre la chair et le sang. Jésus savait que celui qui dominait Israël était le diable et sept démons. La preuve, lorsqu'il est allé dans le désert faire son jeûne de 40 jours, ce n'est pas un Romain qui est venu le trouver. C'est celui qui dominait Israël, le diable qui est venu le trouver. Le diable a dit, celui-là, il est différent de tout le monde ici. Celui-là, je me méfie. Il veut me tenir tête celui-là. En fait, c'était Israël qui dominait le peuple hébreu. Ce n'était pas des Romains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le diable utilise les hommes pour dominer les autres. C'est Satan qui est derrière. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est pourquoi Dieu nous fait comprendre qu'attention, vos ennemis sont spirituels. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Mais comme ils étaient charnels, ils attendaient un libérateur charnel, un chef de guerre, un révolutionnaire qui va dire, allez, on va chasser les Romains. Or, le combat de Jésus était spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va combattre celui qui dominait Israël. Alors que les Hébreux et les Juifs, ils attendaient un libérateur charnel. Au point où Jean-Baptiste, lorsqu'on le met en prison, il envoie ses hommes. Allez vraiment vérifier. est, allez lui poser la question, est-ce vraiment lui le Messie? Parce que le Messie vient pour nous libérer. Comment un Romain peut me mettre en prison si le Messie est là? Alors que la Bible dit, le Messie vient pour délivrer Israël. Regardez comment Israël est passé à côté de la plaque. Parce que Jésus qui se présente à eux, qui est le vrai Messie, ne répondait pas aux critères du Messie que eux attendaient. Ils ont dit, tu n'es pas le Messie. Le Messie vient pour nous délivrer. Toi, tu viens parler de pardon, tu viens parler d'amour. Ah non, non, non, ça ne peut pas être toi. Ça ne peut pas être toi. Ce n'est pas le Messie que nous on attend. C'est pourquoi je osais à faire la volonté de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, si toi tu restes scotché, il faut qu'il soit métis. L'un des parents ne doit pas être africain. Dieu t'a dit que c'est un métis qui est réservé pour toi. Oh, il faut qu'il soit quelqu'un de 1m90. Dieu t'a dit ça. Écoutez, Jésus-Christ est la vérité. Jésus a toujours dit, moi, je suis venu faire la volonté de mon Père. Jésus ne fait que la volonté de son Père. Et Jésus dit que le Père aime le Fils parce que le Fils fait toujours sa volonté. Osez a compris que si je suis enfant de Dieu, ce ne sont pas mes choix, n'est-ce pas mes goûts qui comptent, c'est la volonté de Dieu. Vous croyez que franchement, moi je me mets à sa place, une prostituée, tout le monde est passé là. Je fais quoi avec ça? Voilà un homme de foi. Voilà un enfant de Dieu prêt à faire la volonté de Dieu. Il n'a pas dit que diront mes parents. Il a fait la volonté de Dieu. Dans ma vidéo que j'avais fait sur l'histoire d'Osée, c'était pour faire comprendre aux enfants de Dieu, n'imposez pas à Dieu vos profils. Si vous avez prié Dieu et que c'est Dieu lui-même, j'insiste là-dessus, c'est Dieu lui-même qui te dit, ce gardien d'immeuble-là, c'est Dieu qui te le dit, ne rejette pas le gardien d'immeuble. Comme le peuple d'Israël a rejeté le Messie, parce que Jésus n'avait pas le profil du Messie que eux attendaient. C'est ça mon exhortation. Je ne vois pas pourquoi ça ouvre la porte, aller maintenant prendre des ivrognes, des trafiquants de drogue. Aller... Non, ça n'a... est-ce que tu vas aller prendre le trafiquant de drogue? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Dans ma vidéo, je dis bien, si c'est Dieu qui t'envoie, parce qu'Osée n'est pas allé lui-même prendre comme ça, c'est par rapport, Dieu lui a dit, pourquoi tu vas aller prendre des païens? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Pourquoi tu vas aller, oh ça y est, les enfants de Dieu, mais les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu ont compris ce que j'ai dit. Mais les personnes mal affermies, comme Pierre le dit, vont toujours interpréter à l'envers le message. Parce que quand vous écoutez ma vidéo, je dis toujours, si c'est Dieu qui vous dit, si c'est Dieu qui vous dit, ne dites plus, oh, que diront mes parents. Si c'est Dieu qui vous a envoyé, ne dites plus, que diront mes amis. C'est ça ma vidéo. Allez écouter ma vidéo, elle est toujours en ligne. Je ne vois pas comment quelqu'un va interpréter ça à l'envers. Mais vous savez, tant qu'il y aura dans l'église des personnes mal affermies, les propos de Paul seront toujours tordus. On va toujours les tordre, comme Pierre le dit. On va toujours les interpréter à l'envers. Je ne vois pas. Je dis bien, si c'est Dieu qui te dit que c'est cet homme-là, même si c'est un simple maçon, même s'il n'a pas fait Bac plus 5, c'est un simple maçon, mais si c'est Dieu qui te dit, fais la volonté de Dieu. C'est ça ma vidéo. Il n'y a pas d'autres interprétations. Il n'y a rien d'autre. C'est vous avez prié, vous avez arrêté d'imposer à Dieu vos profils de choix. Priez Dieu et acceptez le profil que Dieu vous a réservé. C'est ça ma vidéo. Donc ma soeur, toi qui as mal compris ça, j'espère que le Seigneur va, comment dirais-je, va t'amener à comprendre ce qui se dit. Et puis deuxièmement, le problème dans l'église aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si X dit quelque chose, on va voir B pour que B interprète ce que X a dit. Mais franchement, c'est charnel. Parce que B ne peut pas connaître dans quel état d'esprit X l'a dit. Dieu, B ne peut pas connaître dans quel esprit, dans quoi la personne ciblait. Il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui sait pourquoi X a dit ça. C'est Dieu qui sait. Mais va, X, va dire pourquoi tu as dit ça. Frère, je ne suis pas d'accord avec toi, pourquoi tu as dit ça. Parce que tu vas voir quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il connaît dans quel état d'esprit? Pourquoi la personne l'a dit? Moi, c'est par rapport aux demandes de prière que je reçois. Et je trouve dans le domaine de l'amour. Je trouve que trop de personnes sont scotchées sur leur profil, comme s'ils imposaient à Dieu leur profil. C'est-à-dire, ou c'est ça ou rien. Ou c'est ça ou rien. Je leur dis, regardez l'exemple d'Osée. Il est allé prendre une prostituée. Parce que Dieu le lui a dit, si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à faire la volonté de ton père. Donc, la personne que Dieu te montre, c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Fais comme Osée. C'est tout. C'est ça ma vidéo. Je ne vois pas comment on va dire, oh, il a ouvert le boulevard, allez prendre dans le monde. Mon Dieu! Qu'est-ce que les gens, mon Dieu, ça n'a aucun rapport. Toi qui penses comme ça, va écouter ma vidéo et tu vas trouver que je dis toujours, si c'est Dieu qui t'a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, j'insiste là-dessus. Attends, je suis un enfant de Dieu, bien-aimé. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur au mois de novembre 1988. Je suis en Christ depuis 1988. J'ai la crainte de Dieu. Je ne peux pas envoyer les enfants de Dieu aller prendre les païens. Jésus m'a sorti de loin. J'étais mort, moi. Jésus, je reviens de loin. Je ne peux pas m'amuser à les prendre. Non. Mais les personnes mal enfermées inversaient les propos de Paul. Paul dit A, eux disent, il a dit B. Mais non. Mais non, attention à la façon dont vous entendez. Attention. Que Dieu vous bénisse.